Chapitre 17. Encore un dimanche. Le lazo. Excursion au bois des calebassiers. Le crabe de terre. L'iguane. Pendant notre séjour à Zeltaïm, et malgré les occupations qui nous ramenaient au vaisseau, nous n'avions point encore négligé de célébrer un dimanche. Le troisième tombait le jour de notre arrivée à Falkenhorst, et nous le célébrâmes par des exercices religieux et des lectures pieuses qui remplirent la matinée. Quand nous eûmes dîné, je donnai à ma jeune famille la permission de reprendre ces jeux. J'avais à cœur de développer en eux tout ce que la nature y avait mis de force et d'adresse. Aussi, je leur recommandais bien de s'exercer à sauter, tirer de l'arc, lutter et courir. Ces exercices du corps étaient assez du goût de mes enfants, Ernest excepté, qui avait besoin d'admonestation pour y prendre part. Néanmoins, lorsque le jeu était nouveau, ils se décidaient assez facilement. Quand ils eurent épuisé leurs jeux ordinaires, « Mes enfants, leur dis-je, je vais vous montrer un jeu d'adresse mis en usage chez les Patagons, nation renommée par ses habitudes guerrières parmi les sauvages de l'Amérique du Sud et qui en habite la pointe méridionale. Je pris alors deux balles que j'attachai chacune à un bout de corde d'environ 6 pieds et je présentai à mes enfants cette nouvelle arme. Les sauvages, qui n'ont à leur disposition ni cuivre ni plomb, se servent simplement de gros cailloux. Je leur expliquai ensuite comment les Patagons faisaient usage de cette arme en la lançant contre les animaux qu'ils voulaient attaquer et comment les deux balles, en revenant sur elles-mêmes, entouraient fortement la partie que la corde avait touchée. C'est ainsi, leur dis-je, qu'il leur arrive de prendre leur proie vivante en lui lançant leur front entre les jambes. Cette description paraissait si neuve que je lançai la fronde que je venais de faire contre un arbuste placé à peu de distance pour la leur mieux faire comprendre, et la force du coup fut telle que je coupai la tige en deux. Le succès ne pouvait manquer d'être assuré. Il me fallut aussitôt en fabriquer 3 autres, et Fritz, qui adopta passionnément cet exercice, n'eut pas de cesse qu'il n'y fût devenu d'une grande force. Je me plaisais à voir ainsi mes fils s'habituer à des armes qui devaient encore exercer leur agilité, leur force et leur coup d'œil. Je leur appris que cette fronde, en usage chez la plupart des peuplades de l'Amérique du Sud, a reçu le nom de lazo. Le lendemain, je remarquai de notre château que la mer était très agitée. Le vent soufflait avec force, de manière à effrayer de vrais marins. Nous ne pouvions donc nous hasarder sur les flots. J'annonçai à ma femme que nous resterions à terre toute la journée et que nous étions à sa disposition. Elle nous montra que pendant nos absences continuelles, elle avait pris assez d'ortolans à Falkenhorst à l'aide de nos pièges pour en remplir une demi-tonne où elle les avait roulés dans le beurre. Nos pigeons avaient dressé leur nid et couvaient tranquillement dans les branches du figuier. En faisant ainsi la ronde autour de nos possessions, nous arrivâmes près des arbres fruitiers et je jugeai qu'il était bien temps de m'en occuper car ils étaient déjà à moitié desséchés. Cette occupation remplit notre journée tout entière. Et quand vint le repas du soir, nous trouvâmes nos ustensiles de cuisine en si mauvais état qu'on décida à l'unanimité qu'il fallait les remplacer et se rendre pour cela en famille au bois des calebassiers, car ni ma femme ni Franz ne voulaient rester à la maison en pareille occasion. À la pointe du jour, nous étions sur pied et munis des provisions nécessaires, nous quittâmes Falkenhorst. L'âne seul était attelé à la claie que nous devions charger de calebasses et sur laquelle je comptais placer le petit Franz si ses faibles jambes étaient trop fatiguées. Turc, cuirassé selon son habitude, ouvrait la marche. Bill errait çà et là, portant sur son dos Knips, c'était le nom donné au petit singe, et mes enfants bien armés la suivaient partout. Quant à moi, je marchais un peu en arrière avec ma femme qui tenait Franz par la main. Nous nous dirigeâmes vers les marais du Flamand. Ma femme était enthousiasmée devant l'admirable végétation qui se déployait à nos yeux. Fritz s'était enfoncé dans les herbes avec Turc. Nous l'entendîmes faire feu, et nous vîmes soudain tomber dans les herbes un oiseau énorme. Mais il n'était pas mort, et nous trouvâmes mon fils aux prises, ainsi que les dogs, avec cette forte bête qui se défendait vaillamment contre eux à coups de pied et d'ailes. Turc avait déjà de profondes blessures à la tête. Quand je m'approchai à mon tour, je fus assez heureux pour envelopper avec mon mouchoir la tête de l'animal. Privé de la lumière, il donna des coups moins dangereux et nous parvînmes facilement à nous rendre maîtres de lui. En l'examinant, je ne lui trouvai qu'une blessure à l'une des ailes. Je les assujettis toutes deux et lui liai une patte, puis nous le portâmes ainsi garrotté sur la claie. « Ah, le bel oiseau !» s'écrièrent-ils tous en l'apercevant. Ernest, qui s'était approché, l'examinait attentivement. « Mon père, dit-il enfin, je pense que c'est une oie outarde. » « Tu as en partie raison, lui répondis-je. C'est bien une outarde, mais elle n'a pas les pieds membraneux comme ceux de l'oie. Elle est de l'espèce que les naturalistes appellent poule outarde, bien qu'il lui manque au pied l'ergot qui distingue les poules. La blessure ne paraît pas incurable, ajoutai-je en même temps, et je m'estimerais très heureux de pouvoir l'apprivoiser et de la placer dans notre basse-cour. Ma femme se permit alors de me faire, sur l'inutilité de ce nouvel hôte, quelques observations qu'elle appuya de lamentations en faveur de ses petits, qui attendaient peut-être le retour de leur mère. Je la rassurai en lui apprenant que ses petits couraient tout seuls comme les poussins sortir de l'œuf, et que l'outarde pourrait fournir un rôti au cas où nous ne pourrions la conserver. L'outarde, bien attachée sur notre claie, nous nous remîmes en route et nous ne tardâmes pas à arriver au bois des singes, nom que nous avions donné au bois où ces messieurs s'étaient chargés de nous fournir une abondante provision de coco. Fritz raconta en riant à sa mère les détails de cette aventure, et ses jeunes frères, surtout le gourmand Ernest, appelaient de tous leurs vœux une nouvelle troupe de singes pour leur envoyer ces belles noix qui pendaient au-dessus de leur tête. Mais rien ne paraissait, et l'on cherchait inutilement le moyen de suppléer à ces animaux, quand tout à coup une noix tomba à mes pieds, puis une seconde, puis encore une troisième. Tous aussitôt de lever la tête et de chercher la main qui détachait ainsi pour nous ses fruits. Mais elle semblait invisible, et le feuillage restait immobile sans que rien parût à nos yeux. « C'est étrange !» s'écria Jack. « Est-ce que nous sommes dans le royaume des fées ?» À peine eut-il achevé ces mots, qu'une noix vint lui effleurer le visage. Plusieurs noix tombent encore, tandis que nous cherchons inutilement le mot de l'énigme. Mais tout à coup, Fritz, qui s'était réfugié sous l'arbre même pour se mettre à l'abri des projectiles, s'écrie. « Je l'ai découvert, le sorcier. À moi, le sorcier. Le voilà qui descend de l'arbre. Voyez la vilaine bête. » En effet, c'était un bien hideux animal. Il descendait de l'arbre, disposé à jouir de sa récolte, quand Jack l'aperçut. L'étourdi, tout en se récriant sur la laideur du sorcier, courut à lui et voulut l'assommer d'un coup de crosse de fusil. Mais il le manqua. L'animal, dans lequel j'avais reconnu le crabe de terre, peu effrayé de cette démonstration, marcha droit à son agresseur en étendant vers lui des pinces si larges et si formidables qu'après avoir fait bonne mine quelques moments, celui-ci se prit à fuir en criant. Cependant, comme ses frères se moquaient de lui, le dépit lui rendit le courage et, suppléant par la ruse à son manque de force, il ôta sa veste et s'arrêta droit devant son ennemi. Puis, quand celui-ci fut assez près, il l'encouvrit tout entier. Sachant qu'il n'y avait aucun danger pour lui, je le laissai lutter quelques instants, mais il fallait pour paralyser les forces de l'ennemi plus de vigueur que n'en avait mon pauvre Jack, et je voyais le moment où le vilain animal s'en serait allé tranquillement en portant la veste de mon petit guerrier, lorsque je me décidai à lui appliquer un coup de hache qui le tua sur le champ. La laideur de l'animal, la terreur et la bravoure successive de Jack nous occupèrent encore quelque temps. Nous plaçâmes sur la claie le sorcier ses noix de coco et nous nous mîmes en marche. Peu après, le bois s'épaissit. Bientôt, il nous fallut recourir à la hache pour ouvrir un passage à l'âne et à la claie qui traînait après lui. La chaleur était devenue extrême. Nous marchions maintenant en silence et la tête baissée, car nos gosiers altérés et secs nous interdisaient la parole. Mais tout à coup, Ernest, toujours observateur, nous appela auprès de lui et nous montra une plante à l'extrémité de laquelle pendaient quelques gouttes d'une eau limpide et pure. Une première incision avait fait tomber assez d'eau pour que le petit égoïste se désaltérât, mais je m'aperçus qu'il en restait encore et que le défaut d'air seul l'empêchait de couler. Je fendis alors la plante dans toute son étendue et tous, jusqu'à l'âne, nous pûmes nous désaltérer à notre tour. « Bénissons Dieu !» m'écriai-je alors, avec l'accent de la reconnaissance. « Remercions-le d'avoir ainsi créé, au milieu du désert, des plantes bienfaisantes qui s'offrent aux voyageurs égarés comme des fontaines de salut. La joie nous revint avec nos forces. Poussant un peu de côté, vers la rive, nous atteignîmes bientôt les calebassiers et la place où nous nous étions déjà arrêtés. Fritz, se rappelant parfaitement tout ce que je lui avais dit la première fois que nous avions passé devant ces arbres, répéta la leçon à ses frères et leur enseigna les usages auxquels ils étaient propres et l'utilité qu'en tiraient les sauvages de l'Amérique. Pendant qu'ils parlaient, je m'étais un peu éloigné pour choisir les plus belles calebasses et voir si nous n'avions pas quelque malice à redouter de la part des singes. Je reconnus avec plaisir qu'ils étaient sans doute ailleurs, car je n'en aperçus aucune trace. En revenant, je trouvai Fritz et Jack ramassant du bois sec et des cailloux, tandis que ma femme s'occupait à soigner l'outarde, dont la blessure n'était pas dangereuse. Elle me représenta qu'il était bien cruel de laisser cette pauvre bête toujours chaperonnée, et pour lui faire plaisir, je lui ôtai le mouchoir et l'attachai seulement avec une longue ficelle à un arbre. La pauvre bête resta fort tranquille, si ce n'est lorsque nos chiens l'approchaient. Du reste, elle ne s'effarouchait nullement de notre présence, ce qui me confirma dans l'idée que la côte était inhabitée, puisqu'elle paraissait n'avoir jamais vu d'homme. Cependant, Jack et des deux Fritz avaient allumé un grand feu, et tous deux étaient si affairés que je ne pus m'empêcher de leur dire. « Ah ah, messieurs, pourquoi ce feu par une telle chaleur? Quels sont vos projets, s'il vous plaît ?»« Jack, mon papa, nous voulons faire cuire le sorcier dans une calebasse à la mode des sauvages. » »« Moi, à merveille, et vous voulez faire rougir les cailloux que vous jetterez dans l'eau? Mais avant tous ces efforts, vous auriez dû vous assurer, ce me semble, des deux éléments essentiels de votre cuisine, des vases et de l'eau. » Ma femme, qui m'entendit, me fit observer qu'elle avait besoin aussi de plusieurs ustensiles. Aussitôt, les enfants se mirent à l'ouvrage pour façonner des calebasses. Beaucoup furent gâtés, mais ils parvinrent à fabriquer quelques-uns des ustensiles dont nous avions besoin. Nous fîmes des assiettes plates, des nids pour nos pigeons, des ruches pour nos abeilles. Pendant que nous travaillions, Ernest, qui avait complètement manqué ses ustensiles de calebasse, s'était enfoncé dans l'épaisseur du bois pour y chercher quelques filets d'eau. Soudain, nous le vîmes revenir en courant de toutes ses forces et en criant « Un sanglier ! Un sanglier ! Vite ! Vite !» Fritz sauta sur son fusil et nous nous élançâmes tous deux vers l'endroit qu'Ernest nous indiquait. Nos chiens avaient pris les devants et des grognements horribles nous indiquèrent bientôt l'endroit où se débattait avec nos vaillants combattants, au lieu d'un sanglier, notre truie que son humeur capricieuse nous avait contraint de laisser courir à sa guise. Cette découverte fut le sujet d'interminables plaisanteries, comme toutes celles du même genre. Tout en parlant, nous aperçûmes notre cochon dévorant de petites pommes colorées qui jonchaient la terre. Craignant cependant quelques dangers, j'empêchai mes fils d'en manger et nous nous mîmes en route pour chercher de l'eau, chacun de notre côté. Jack partit en avant, mais à peine eut-il franchi quelques buissons que nous le vîmes à son tour revenir plein d'effroi, en nous assurant qu'il avait vu un crocodile endormi sur un rocher. Tout en marchant vers le lieu qu'il nous avait désigné, je lui appris qu'il était peu probable qu'il y eût des crocodiles dans un lieu aussi aride. En effet, je reconnus et lui désignai dans l'animal que nous trouvions endormi l'énorme lézard vert que les naturalistes nomment iguane. Je les rassurai sur le naturel de cet animal, qui n'est nullement dangereux, et je leur dis qu'on regardait, en Amérique, sa chair comme une grande friandise. Fritz allait lui tirer un coup de fusil. Je l'arrêtai en lui faisant observer que la balle s'amortirait contre les écailles et rendrait son coup inutile, et que l'animal irrité deviendrait peut-être à craindre. « Laissez-moi faire, » dis-je ensuite. « Je veux essayer un moyen bien simple et assez singulier de se rendre maître de cet animal. » Je demandai en même temps une baguette légère et une ficelle, au bout de laquelle je fis un nœud coulant. Je me mis ensuite à siffler. Puis, profitant de l'espèce d'engourdissement que cette mélodie occasionnait à l'animal, je lui jetai par précaution le nœud coulant autour du cou. Voyant qu'il ne donnait aucun signe de colère, je plongeai dans une de ses narines entr'ouvertes la baguette dont j'étais armé. Le sang coula en abondance et l'animal mourut à l'instant sans avoir souffert aucune douleur. Mes fils, étonnés, s'approchèrent alors et je leur appris que j'avais lu dans les voyages ce singulier moyen de tuer l'iguane. Mais je ne croyais pas, ajoutai-je, qu'il m'eût aussi bien réussi. Il s'agissait maintenant d'emporter l'animal. Je le pris sur mon dos et mes fils supportèrent la queue. Ainsi disposés, nous regagnâmes l'endroit où nous avions laissé la clé. Ma femme et Franz, inquiétés par notre absence prolongée, nous cherchaient de tous côtés. Le récit de notre chasse les intéressa beaucoup, mais comme nous n'avions pas trouvé d'eau, nous goûtâmes, pour nous désaltérer, les petites pommes que j'avais ramassées et dans lesquelles je crus reconnaître les fruits du goyavier. Puis nous reprîmes le chemin de Falkenhorst, laissant la claie au milieu du campement. Seulement l'âne fut chargé du lézard et de notre vaisselle de courge. Nous sortîmes du bois des calebassiers. En passant à l'extrémité, nous renouvelâmes notre provision de voyage. Puis nous atteignîmes un bois de chênes magnifique, entrecoupé de quelques beaux figuiers de la même espèce que ceux de Falkenhorst. La terre était jonchée de glands. Un de mes enfants s'étant avisé d'en manger un, et l'ayant trouvé excellent, nous suivîmes son exemple et nous en récoltâmes une bonne quantité. Nous arrivâmes bientôt au logis. Pendant que j'éventrais et préparais l'iguane, mes enfants déchargèrent l'âne et placèrent l'outarde à côté du flamand dans un poulailler. L'iguane fut trouvée délicieuse, mais le crabe de Jack fut jeté au chien. Nous soupâmes à la hâte et nous courûmes chercher le repos dans notre château aérien. Chapitre 18. Nouvelle excursion. Le coq de bruyère, l'arbre à cire, la colonie d'oiseaux, le caoutchouc, le sagoutier. On comprend que le lendemain, mon premier soin fut d'aller chercher notre clé. Mais comme je voulais faire une excursion au-delà des rochers et que j'étais curieux de savoir jusqu'où s'étendaient les limites de notre empire, je résolus de n'emmener que Fritz avec moi. Je laissai donc mes trois cadets près de leur mère, sous la garde de Bill qui était pleine, et nous partîmes, Fritz et moi, accompagnés de notre baudet et de Turc qui bondissaient autour de nous. Arrivés au bois de chêne, nous y trouvâmes notre truie qui se régalait de glands, et après lui en avoir enlevé quelques poignées, nous continuâmes notre route. Nous remarquâmes dans les branches des compagnies d'oiseaux que nous ne connaissions pas encore. Fritz tira deux ou trois coups de fusil et je reconnus parmi ceux qu'il avait abattus le grand jais bleu de la Virginie et des perroquets de deux espèces. Il y avait entre autres un ara rouge magnifique et une perruche verte et rouge. Mais pendant que nous étions occupés à les considérer, un bruit soudain semblable à celui d'un tambour mouillé vint frapper notre oreille. La première pensée qui se présenta à nous fut qu'il y avait dans le voisinage une horde de sauvages dont nous entendions la musique guerrière. Cependant, nous nous glissâmes vers l'endroit d'où le bruit partait et nous écartâmes les branches d'arbres qui nous obstruaient la vue. Nous découvrîmes alors, au lieu de sauvages que nous redoutions, un coq de bruyère perché sur un tronc d'arbre pourri et occupé à donner le spectacle à une vingtaine de gelinottes réunis autour de lui et en admiration devant les gentillesses de toutes sortes auxquelles il se livrait pour captiver leur attention. C'était un spectacle étrange dont j'avais déjà lu la description et que je n'avais jamais pu croire. Cris modulés, battements d'ailes, roulements de tête, le singulier acteur de cette scène n'épargnait rien pour plaire. Tantôt il agitait les plumes de son cou avec une telle violence qu'on aurait dit un nuage qui l'entourait. D'autres fois, il se tenait majestueusement immobile et poussait un cri perçant, puis il recommençait aussitôt sa pantomime. Le nombre des poules qui étaient assemblées autour de lui s'augmentait à chaque instant, quand Fritz, ajustant l'acteur et le tuant, mit fin à ses ébats. Les gélinottes prirent la fuite. Je grondais mon fils de cette ardeur inconsidérée, et comme son action m'avait causé une impression désagréable, je ne pus m'empêcher de lui dire avec vivacité. À quoi bon cette rage de détruire sans cesse? La mort est toujours la mort. Est-ce donc un bonheur pour toi de ne laisser d'autres marques de ton passage que la dévastation? Crois-tu qu'il y eût moins de plaisir pour nous à jouir de ce spectacle nouveau qu'à trouver l'acteur gisant devant nous? Fritz parut honteux de son action, mais comme le mal était irrémédiable, je crus qu'il était convenable d'en tirer le meilleur parti possible, et j'envoyai le chasseur ramasser son gibier. « C'est un superbe animal, dit-il en le rapportant, et je regrette beaucoup de l'avoir tué. il eût été fort utile dans notre basse-cour. C'est vrai, lui répondis-je, mais nous pouvons encore remédier à cette perte. Quand une de nos poules sera sur le point de couver, nous amènerons ici notre singe. Son instinct le guidera sans doute vers quelque nid de gélinotes. Nous prendrons les œufs et les confierons à nos poules. Nous pourrons ainsi introduire dans notre basse-cour une nouvelle espèce de volatile. Nous déposâmes ensuite le coq sur le dos de l'âne et, continuant notre route, nous arrivâmes en peu de temps au bosquet des goyaviers, dont les petites pommes nous rafraîchirent comme la veille. Nous arrivâmes ensuite au calebassier. Nous trouvâmes en bon état les divers objets que nous y avions laissés la veille. Comme il nous restait encore beaucoup de temps, je résolus de pousser une excursion au-delà des rochers et d'entrer dans la partie du pays que nous n'avions pas encore visitée. Après avoir suivi pendant quelque temps les rochers, nous arrivâmes à une plaine couverte de plantes peu élevées. Nous ne nous y avancions qu'avec précaution, jetant nos regards à droite et à gauche pour ne rien laisser échapper et nous mettre en mesure d'éviter le danger s'il s'en présentait. Turc marchait le premier. Le baudet venait après lui. Nous rencontrâmes de distance en distance de petits ruisseaux, des champs de pommes de terre ou de manioc, et de temps en temps des troupes d'agoutis qui jouaient tranquillement et ne paraissaient pas du tout effrayés de notre approche. Fritz aurait volontiers lâché des coups de fusil, mais ils étaient trop éloignés pour qu'il pût espérer les atteindre, et cette circonstance seule le retint. Au bout de quelques instants de marche, nous pénétrâmes dans un fourré de buissons qui nous était inconnu et parmi lesquels nous découvrîmes le Myrica serifera, arbre dont les baies produisent la cire. J'engageai Fritz à en cueillir le plus qu'il lui serait possible, car je savais que cette découverte ferait plaisir à ma femme. Un peu plus loin, nous vîmes une espèce d'oiseau qui paraissait vivre en société dans un nid immense où habitait la tribu tout entière et sous lequel chacun trouvait un abri. Il était placé au milieu de l'arbre, à la naissance des branches et des rameaux, et ressemblait extérieurement à une grosse éponge, à cause des ouvertures nombreuses qui se montraient sur toutes les parois et qui conduisaient à chaque nid particulier. Mêlés aux habitants du nid, une foule de petits perroquets volaient çà et là en poussant des cris aigus et en disputant aux propriétaires l'entrée de leur nid. Curieux d'examiner de près cette intéressante tribu, Fritz grimpa sur l'arbre et après plusieurs tentatives, il fut assez adroit pour dénicher un de ces petits oiseaux qu'il put mettre vivant dans la poche de sa veste, malgré les cris, les battements d'ailes et les coups de bec de ses frères. Fritz était heureux de sa capture. Elle ramena son attention sur le phénomène singulier de ces animaux vivant en société, phénomène sur lequel notre conversation roula pendant assez longtemps. Je lui rappelai les prodiges accomplis par les castors, qui construisent des digues capables de résister à des courants violents, et font même déborder des rivières pour établir leur demeure dans les étangs formés par l'inondation. Je lui racontai les travaux merveilleux accomplis par la fourmi céphalote. Je lui fis la description de ces belles et grandes fourmilières qu'on rencontre dans plusieurs endroits de l'Amérique, hautes et larges de 6 pieds, et dont les remparts sont maçonnés avec autant d'art et de solidité que s'ils eussent été construits par la main des hommes. Puis je lui parlai d'un animal moins étonnant, mais non moins intéressant, la marmotte, dont le souvenir nous rappelait notre chère patrie. Cette leçon d'histoire naturelle avait fait disparaître la longueur du chemin et nous étions arrivés à un bois d'arbres qui nous était encore inconnu. Ils ressemblaient aux figuiers sauvages. Leurs fruits étaient âpres, ils avaient de 40 à 60 pieds d'élévation et leur écorce était crevassée et couverte d'aspérités. Ils portaient en outre çà et là de petites boules de gomme qui s'étaient durcies à l'air. Fritz, qui s'était plusieurs fois servi pour vernisser de la gomme qui tombe des arbres d'Europe, prit celle-ci et voulut la ramollir dans ses mains. Mais l'action de la chaleur ne fit que l'étendre et elle reprenait sur le champ sa première forme par un mouvement élastique. Surpris de la découverte, il vint à moi en s'écriant « J'ai trouvé la gomme élastique !»« Serait-il possible ?» lui dis-je avec empressement. « Heureux si tu dis vrai !» Je m'en assurai. Et je vis qu'en effet, nous étions près de l'arbre à caoutchouc. Fritz ne se rendait pas compte de la joie qui m'animait. « La gomme élastique nous sera tout à fait inutile, » dit-il. « Nous n'avons rien à dessiner, et par conséquent pas de crayon à effacer. »« Un moment, » lui dis-je, « et écoute-moi. La gomme élastique est non seulement utile au dessinateur, mais elle peut servir à faire un tissu imperméable, et nous pourrons en fabriquer des chaussures pour la saison des pluies. » Cette idée plut extrêmement à mon fils, et je fus obligé de lui indiquer comment je pensais arriver à ce résultat et la manière d'employer le caoutchouc. « Le caoutchouc, lui dis-je, est cette gomme qui se détache de l'arbre que tu vois. Elle en tombe goutte à goutte et on la recueille dans des vases où l'on a bien soin de ne pas la laisser se solidifier. On la prend à l'état liquide et l'on en couvre de petites bouteilles de verre que l'on présente ensuite à la fumée d'un feu de bois humide qui sèche l'enduit. C'est de là que le caoutchouc prend la teinte noire avec laquelle il parvient en Europe. Quant à la forme, elle est telle qu'on la donne aux moules. On applique sur ces moules plusieurs couches successives de gomme et quand elles sont suffisamment séchées, on brise la bouteille dont les morceaux sortent par l'ouverture supérieure. C'est ce procédé que je compte appliquer à la confection de nos chaussures. Nous remplirons de sable un de nos bas et nous étendrons dessus les couches de caoutchouc nécessaires pour donner une botte épaisse et solide. Nous avançâmes encore quelque temps et nous ne découvrîmes qu'un nouveau bois de cocotier. C'était celui qui se prolongeait jusqu'au bord de la mer, près du promontoire de l'espoir trompé. De petits singes qui s'y ébattaient nous fournirent des noix dont nous nous régalâmes. Mais en considérant les arbres qui s'élevaient autour de nous, j'en remarquai quelques-uns d'une plus petite espèce qui me parurent être des sagoutiers. Parmi nos découvertes, celle-ci était une des plus précieuses. Je me hâtai donc de m'assurer de la réalité en frappant de ma hache un de ces arbres étendus par terre et je trouvai une moelle d'un goût agréable qui était en effet celui du sagou que j'avais mangé en Europe. Ce qui me confirma encore dans mon opinion, ce furent les grosses larves dont j'avais lu la description dans les relations de voyage et dont les Indiens sont très friands. J'en embrochai plusieurs dans une baguette et les fis rôtir à la flamme d'un feu que j'allumai. L'odeur qu'elles répandaient était délicieuse. Je les goûtai en me servant d'une pomme de terre en guise de pain et Fritz, qui d'abord à l'inspection avait protesté que jamais de sa vie il ne toucherait à un pareil mets, se décida enfin à partager ma cuisine et la trouva si bonne qu'il recueillit toutes les larves qu'il put trouver pour les faire griller à son tour. Après ce repas délicat, nous nous levâmes et nous continuâmes encore quelque temps notre excursion sans rien rencontrer de nouveau. La terre offrait partout cette même végétation si riche et si puissante. Mais des champs de bambous nous offrirent un obstacle insurmontable. Nous nous dirigeâmes donc à gauche le long du rivage, à travers la plantation des cannes à sucre, et comme il était tard, nous nous hâtâmes de reprendre la route de Falkenhorst. Nous prîmes par le chemin le plus court pour regagner le bois des calebassiers, où nous retrouvâmes la claie. L'âne fut attelé, et nous retournâmes vers les nôtres qui nous attendaient avec une inquiétude motivée par notre longue absence. Ma femme témoigna beaucoup de joie à la vue du sagou. Puis elle s'approcha pour écouter Fritz qui racontait avec feu les découvertes du jour. Le coq gélinote et le nid habité par une colonie d'oiseaux. Le perroquet de Fritz, auquel Jack et Franz adressaient déjà la parole, fut salué par tout le monde du nom classique de Jaco et reçut une quantité de glandou dont il se régala. Je racontai alors à mon tour la découverte du caoutchouc qui devait nous donner des bottes imperméables et des baies à cire avec lesquelles je promis de faire des bougies. Ma femme reçut avec une attention spéciale celle que nous rapportions. Après le repas et à la nuit tombante, nous remontâmes sur notre arbre, tirant l'échelle après nous, et nous nous livrâmes à un sommeil qui nous était nécessaire. Chapitre 19. Les bougies, le beurre, embellissement de Zeltheim, dernier voyage au vaisseau, l'arsenal. Nous étions à peine debout que ma femme et mes fils s'empressèrent autour de moi et qu'il me fallut m'occuper de la fabrication des bougies, métier pour moi bien nouveau. Je cherchais dans ma mémoire tout ce que j'avais appris sur l'art du cirier et je me mis à l'ouvrage. J'aurais voulu pouvoir mêler à mes baies du suif ou de la graisse pour donner à mes bougies plus de blancheur et les faire brûler plus facilement, mais il fallut en prendre notre parti. Ma femme préparait des mèches avec du fil à voile, tandis que je m'occupais à faire fondre la cire. J'avais placé sur le feu un vase rempli d'eau, j'y jetai les baies et je vis bientôt nager à la surface une matière huileuse de couleur verte. Je l'enlevai avec soin. Je la plaçai dans un vase à proximité du feu pour l'empêcher de prendre consistance. Lorsque je crus en avoir obtenu une quantité suffisante, je commençai à tremper dans la cire tenue à l'état liquide, les mèches en fil, puis je les suspendis à des branches d'arbres pour les faire sécher, et je recommençai jusqu'à ce que mes bougies fussent de bonne grosseur. Je les plaçai dans un endroit frais pour les faire durcir, et le soir même nous pûmes en faire l'essai. Ma femme était heureuse, et bien que la lueur n'en fût pas d'une pureté irréprochable, ces bougies allaient ainsi nous permettre de prolonger nos soirées et nous empêcher de nous coucher en même temps que le soleil, comme nous l'avions fait jusqu'alors. Le succès qui couronna cette entreprise nous encouragea à en tenter une seconde. Ma femme regrettait beaucoup de voir se perdre chaque jour la crème qu'elle levait du lait de notre vache. Elle désirait pouvoir en faire du beurre. Mais il lui manquait pour cela l'instrument nécessaire, la baratte. Mon inexpérience ne me permettant pas d'en fabriquer une, j'y suppléai en mettant en usage un procédé que j'avais vu employé par Léo tantôt. Seulement, au lieu de la peau de bouc dont ils se servent, je coupai une courge en deux parties égales que je refermai hermétiquement. Je l'emplis aux trois quarts de lait, puis ayant attaché à quatre pieux disposés exprès un long morceau de toile sur lequel je plaçai la courge, j'ordonnai à mes fils de l'agiter dans tous les sens. La singularité de cette opération, peu pénible en elle-même, leur servit de jouet. Au bout d'une heure, la courge, longtemps ballottée comme un enfant au berceau, nous fournit d'excellent beurre. La cuisinière le reçut avec satisfaction, et mes petits gourmands n'en furent pas moins charmés. Mais ces travaux n'étaient rien. Il en est un qui me donna plus de peine et que je fus plus d'une fois sur le point d'abandonner. Il s'agissait de la construction d'une voiture plus commode que notre clé pour transporter nos provisions et nos fardeaux. Je gâtai une quantité prodigieuse de bois et je ne parvins à faire qu'une machine lourde et informe de 4 à 5 pieds à laquelle j'adaptai 2 roues de canon enlevées au navire et dont les bords furent façonnés en bambou croisé. Quelque grossière que fût cette voiture, elle nous fut d'une grande utilité. Pendant que je m'occupais ainsi à ce pénible travail, ma femme et mes fils ne restaient pas les bras croisés. Ils exécutaient divers embellissements dans lesquels un mot suffisait pour les guider, tant ils y mettaient de zèle et d'intelligence. Ils transplantèrent la plupart de nos arbres d'Europe dans les lieux où je supposais qu'ils devaient le mieux réussir. La vigne fut placée contre notre grand arbre, dont le feuillage nous parut propre à la défendre contre les rayons du soleil. Les châtaigniers, les noyers, les cerisiers furent rangés sur 2 belles allées dans la direction du pont de Falkenhorst. Cette promenade ombragée était ménagée pour nos voyages à Zeltheim. Nous arrachâmes toute l'herbe et au milieu nous établîmes une chaussée bombée afin qu'elle fût toujours sûre et propre. Les brouettes étant insuffisantes pour y transporter le sable nécessaire, je construisis un petit tombereau que l'âne traînait. Comme la nature avait entièrement déshérité Zeltheim, nos efforts d'embellissement se portèrent principalement sur ce point. Nous y transférâmes notre résidence pour les exécuter à loisir. Nous y plantâmes en quinconce tous ceux de nos arbustes qui ne redoutaient pas l'ardente chaleur, tels que les limoniers, les citronniers, les pistachiers et les orangers cédras, qui atteignent une hauteur extraordinaire et portent des fruits plus gros que la tête d'un enfant. L'amandier, le mûrier, l'oranger sauvage et le figuier d'Inde y trouvèrent aussi leur place. L'aspect du site fut ainsi changé. À une plage brûlante, nous fîmes succéder un frais bosquet. Nous abritâmes les sables du rivage d'ombres hautes et épaisses qui devaient favoriser la crue des herbes et offrir de la nourriture à nos bestiaux si nous étions forcés de nous retirer en cas d'invasion étrangère. Après avoir planté le long du ruisseau des cèdres pour attacher notre barque et nous donner aussi de l'ombre, il nous vint dans l'idée d'entourer notre demeure de fortifications, de haies vives et fortes, en un mot de la mettre en état de soutenir le siège contre une armée de sauvages s'il en était besoin. Notre artillerie devait naturellement prendre place dans ces projets belliqueux. Aussi nous construisîmes une plateforme sur laquelle furent hissés les 2 canons de la pinasse. Ces divers travaux nous occupèrent 6 semaines environ, sans pourtant nous empêcher de célébrer le dimanche par les exercices accoutumés. Et j'admirai comment mes fils, fatigués par 6 jours de travail assidu, trouvaient encore assez de force le dimanche pour se livrer à tous les jeux gymnastiques, grimper aux arbres, courir, s'exercer à nager ou à lancer le lasso, tant il est vrai que le changement d'occupation repose autant que l'inaction. Une seule chose nous inquiétait, c'était l'état de délabrement de nos habits. Les costumes d'officiers et de matelots que nous avions trouvés sur le navire étaient usés, et je voyais avec crainte le moment où nous serions forcés de renoncer aux habillements européens. D'un autre côté, ma superbe voiture commençait à se fatiguer considérablement. L'essieu ne tournait plus que difficilement, et encore était-ce avec un bruit capable de déchirer l'oreille la moins délicate. De temps en temps, j'y mettais bien quelque peu de beurre, mais ce secours était insuffisant, et ma femme aurait voulu voir son beurre mieux employé. Je me rappelais que le vaisseau, qui contenait encore plusieurs objets, pourrait bien renfermer quelques tonnes de graisse et de goudron. Le désir de savoir dans quel état il se trouvait depuis que nous l'avions visité, joint à nos besoins urgents, me détermina à mettre la pinasse en mer et à tenter un voyage que j'annonçais à ma femme comme devant être le dernier. Nous profitâmes du premier jour de calme pour mettre ce projet à exécution. La carcasse du navire était à peu près dans l'état où nous l'avions laissée. Prise comme elle l'était entre les rochers, la mer et le vent ne lui avaient enlevé que quelques planches. Nous parcourûmes les chambres, nous fîmes main basse sur tous les objets qu'elle renfermait, puis nous descendîmes dans la cale. Nous y trouvâmes, comme je l'avais pensé, plusieurs tonnes de graisse, de goudron, de poudre, de plomb, ainsi que des canons de gros calibre, des chaudières d'une grande capacité qui devaient servir à une raffinerie de sucre. Les moins pesants de ces objets furent embarqués, les autres furent attachés à des tonnes vides bien bouchées, et je projetai alors, pour en finir et nous rendre maîtres des débris du navire, de faire sauter la carcasse dont les flots devaient nous apporter toutes les planches au rivage. Quoique les préparatifs de cette entreprise fussent extrêmement simples, ils durèrent 4 jours. Je me contentai de placer dans la quille du bâtiment un baril de poudre auquel j'attachai une mèche qui devait brûler plusieurs heures, et nous nous éloignâmes précipitamment pour regagner la côte. Quand nous fûmes arrivés, je proposai à ma femme de porter le souper sur le promontoire d'où l'on pouvait apercevoir le vaisseau. Elle y consentit volontiers. Nous nous mîmes gaiement à table, attendant avec anxiété le moment de l'explosion. Mais l'obscurité, qui dans ces contrées, comme je l'ai déjà dit, succède immédiatement au jour, commençait à peine à envelopper la terre que nous vîmes s'élever tout à coup, au-dessus des flots, une immense colonne de feu. Puis une explosion retentit et tout rentra dans le calme. C'étaient les derniers débris du navire qui se séparaient. Avec eux disparaissaient les derniers liens qui nous attachassent à l'Europe. Cette idée, pleine de tristesse, se communiqua spontanément à chacun de nous. Aussi, à la place des cris de joie sur lesquels j'avais compté, l'explosion du navire ne fut reçue que par des pleurs auxquels je ne pus moi-même résister. Nous retournâmes à Zeltheim en proie aux plus tristes pensées. Le repos de la nuit changea le cours des pénibles impressions de la veille. Nous nous levâmes avec le jour et nous nous hâtâmes d'aller à la côte. Des planches et des poutres flottaient çà et là. Il nous fut facile de les réunir sur le rivage. Les chaudières de cuivre surnageaient, ainsi que 2 ou 3 canons. Nous amenâmes à terre, à l'aide de l'âne, tout ce qui nous fut possible, et les chaudières nous servirent à assurer notre magasin de poudre en les renversant par-dessus les tonnes qui la contenaient. Nous choisîmes une place à l'abri des rochers pour en faire notre arsenal, de telle sorte qu'une explosion ne nous présentait plus aucun danger. Nous creusâmes tout autour un petit fossé pour garantir la poudre de l'humidité, et nous remplîmes avec du goudron et de la mousse l'intervalle qui restait entre les tonnes et la terre sur laquelle elles étaient appuyées. Les canons furent couverts, tant bien que mal, avec des planches. Ma femme, surtout, insistait pour nous faire prendre des précautions, car elle avait une grande frayeur des résultats que pouvait avoir une explosion. Tandis que nous étions occupés à ces travaux importants, je découvris que 2 cannes et 1 de nos oies avaient couvé sous un buisson et conduisaient déjà à l'eau une petite famille de poussins. Canetons et oisons furent salués avec une grande satisfaction. Nous les apprivoisâmes bientôt en leur jetant quelques morceaux de pain de manioc. Les dernières dispositions à faire pour la sécurité de Zeltheim et des provisions que nous y avions déposées nous y retinrent encore 1 journée, mais chacun désirait le départ pour retrouver le bien-être qui nous attendait chez nous. Aussi je m'empressai de donner le signal et la joyeuse caravane partit pour Falkenhorst.